Ok. Et je viens vous voir parce que j'aimerais savoir ce que vous attendez de nous. Bon, plus d'infos peut-être. Qui concerne la ville, plus d'infos qui concernent la ville peut-être. Parce que là, ils disent pas grand-chose, quoi, donc... Tout ce qui concerne l'emploi, quoi. Bah, pas pour ma part, parce que moi je travaille, mais pour certaines personnes que je connaisse, quoi, déjà. Enfin, c'est le boulot. Trouver une solution, c'est très bien. D'avoir de bonnes informations, de la musique. Pas trop de publicité. Le moins possible, oui. Ce qui se passe aussi dans les communes aux environs. Coulaines, Saint-Pavas, Alonne. C'est normal qu'on s'entende là, Nico. Changé, Champagné, Port-Rosin, tout le secteur. Voilà. Et puis éventuellement aussi d'annoncer le vendredi éventuellement les festivités qu'il y a pendant le week-end. Pour parce le que week-end, des fois, il y a des gens n'achètent pas les journaux et le lundi matin, on entend au travail. Tiens, dis donc, il y avait ça ce week-end. Là, oui. Et... Ah ben oui, mais il est trop tard. On a donc pas ça sera important, vous voyez. Ça manque. Ça c'est pas. J'aimerais bien qu'on mette la météo sur France Bleu Maine. Pour avoir la météo, bah, c'est plus pratique des fois. Bah, parce que des fois, on part en vacances et puis on ne sait pas la météo. Par exemple, il va pleuvoir et on va prendre des lunettes de soleil. Bonjour madame. Bonjour. Donc on arrive au Mans, France Bleu Maine, au Mans et sur toute la Sarthe. Bienvenue pour commencer déjà. Et puis ben, j'espère qu'on aura un peu plus d'informations, aussi bien sur la ville que sur la culture déjà, pour savoir ce qu'on peut faire sur le Mans. On attend beaucoup de choses, surtout la culture je pense. Les livres, le théâtre, il y a beaucoup de choses et très peu connues. Et ce serait bien qu'on en parle un peu plus. Je suis désolée, mais maintenant je vais aller travailler. Bon courage. Eh oui, merci d'être. Moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est ce qui se passe beaucoup, notamment le soir, que ce soit théâtre, tout ce qui est vie associative aussi, qui organise beaucoup de choses dont on n'est pas forcément au courant. Et puis, beaucoup le sport. Moi, je suis un footeux, donc beaucoup le sport. Ainsi que la météo. Je vous laisse, je descends là. La musique. Les années 80. C'est bien, les années 80, c'est mes années, c'est les meilleures. Jean-Jacques Goldman, vous pouvez y aller, hein? Ah, Madame Livet, Jean-Jacques Goldman. Je sais pas, par exemple, l'économie, les entreprises, ça m'intéresse, oui. Peut-être organiser des débats entre les différents acteurs pour voir comment on peut dynamiser l'économie, en tout cas au moins locale. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est France Bleu Maine. Oui. Dites-moi ce que vous attendez, madame, d'une radio installée ici au Mans et sur le département de la Sarthe. Eh ben, moi, je trouve ça super, parce que tout le monde aime bien écouter la radio. Moi, je fais davantage de radio chez moi que de télé. Sauf ce que je déplore, c'est quand on parle trop des choses, par exemple, telles que les vols et tout ça. Ça, c'est pas bien, quoi. À part ça, je trouve que c'est formidable. Je crois que vous allez réussir. Yes! 6h-8h30, Fabien Aubric, Julie Leduc sur France Bleu Maine. Oui, là, il faut y aller, on peut plus se débiner. Bonjour Julie. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Beaucoup de monde ici même en studio ce matin. Vous avez le droit d'applaudir la naissance de France Bleu Maine, s'il vous plaît. France Bleu Maine, trois fréquences dans la Sarthe, Le Mans 96 FM, La Flèche 91.7, Sablé 105.7. Jean-Luc Hesse, le président de Radio France, est ici même en studio. Bonjour, président. Bonjour. Pourquoi avoir tenu être présent physiquement ici même en studio ce matin? D'abord parce que c'est Le Mans et puis que j'aime beaucoup Le Mans pour un milliard de raisons, mais il y a surtout que c'est une nouvelle radio. C'est dans la galaxie des radios, ça n'arrive pas tous les jours, surtout une aussi belle radio qui va rendre autant de services aux gens qui habitent dans la Sarthe, qui est encore une fois un département que j'aime beaucoup, beaucoup. Vous êtes censé donner l'heure, monsieur le président. Eh bien, je vais vous la donner l'heure, figurez-vous. France Bleu Maine, il est 6h. Ça y est, France Bleu Maine est né. Voici le journal présenté par Julie Leduc. Avec ce matin, 10 jours sans écran pour 165 écoliers du Mont-Julie. Et autrement dit, 10 jours sans télé, ni ordinateur et à la place des ateliers cuisine ou même broderie. Qui l'eût cru, ça marche. La semaine du microcrédit en Sarthe, une semaine pour tous ceux qui veulent lancer leur activité et qui ne sont pas forcément les bienvenus dans les banques traditionnelles. Manifestation devant la préfecture hier soir au Mans, une cinquantaine de personnes pour dénoncer l'attaque israélienne contre la flottille pro-palestinienne en route vers Gaza. Précision à 6h30 dans le journal d'Estelle Schmitt. Nous allons aussi parler de sport ce matin. Le Mans-Sarthe Basket a une victoire de Bercy. Demi-finale, retour ce soir à Roanne. Le reportage de France Bleu Maine, ce sera à 6h15. Et puis la météo, Fabien ? Avec de la pluie pour la naissance de France Bleu Maine, c'est pas bien terrible. Hein. De la pluie dès la fin de matinée. Côté température, 10 à 12 degrés actuellement. 17 degrés cet après-midi. Ça fait bientôt 10 jours qu'ils mettent leur nerf à rude épreuve. Un défi insolite pour les élèves de l'école Saint-Martin. Nous sommes, Julie, dans le quartier des Sablons au Mans. Et pas de télé, pas d'ordinateur, pas de jeux vidéo. Et tout ça donc pendant 10 jours. Pour certains, c'est tout bonnement la définition de l'enfer. Mais les enfants tiennent plutôt bien le choc, Rudy Guillemin. Encore une bonne demi-heure avant la reprise des cours à l'école Saint-Martin, mais déjà, plusieurs fillettes se regroupent autour de Marie-Thérèse. Cette enseignante retraitée vient leur raconter comment c'était l'école à son époque. On n'avait pas l'informatique. C'est quoi l'informatique ? Ouais, c'est sympa. Voilà, on n'avait pas les ordinateurs. Des rencontres comme celle-ci, mais aussi des ateliers cuisine ou même broderie, l'école fait tout son possible pour occuper les élèves pendant le défi, y compris le soir et le week-end. Et à en croire Esteban, 8 ans, ça marche. Je vais dehors et je fais des activités à l'école, comme les jeux extérieurs, la chasse au trésor, plein de trucs. L'objectif de cette expérience, moins regarder pour mieux regarder. Jérôme Gaillard, le directeur de l'école Saint-Martin. L'idée n'est pas du tout d'aller stigmatiser les écrans, parce qu'il y a plein de bonnes choses à tirer de ce qu'on voit à la télé ou sur Internet. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on aide les enfants et les familles à choisir au mieux leurs activités sur les écrans. Mais évidemment, comme l'explique Axel, 11 ans, c'est à la maison que ça reste le plus dur. Mes parents, ils commencent un petit peu à m'attirer dans des salles où il y a les écrans qui sont allumés. Donc je suis obligée de rester dans ma chambre, je fais rien. Je m'ennuie un petit peu. Alors, même pas une petite entorse au règlement ? Bon, après ce week-end, j'ai pas résisté, j'ai regardé la télé. Et on te pardonne Axel, hein, puisque c'est la faute à la météo. D'ailleurs, beaucoup d'élèves de l'école Saint-Martin au Mans ont craqué ce week-end. Et ce défi 10 jours sans écran s'achève donc jeudi. Ben, on les invite à écouter France Bleu Maine, à écouter la radio, c'est plutôt une bonne idée. Les trois fréquences de France Bleu Maine, Le Mans 96 FM, La Flèche 91.7. Et je vais essayer de coller le président de Radio France, Jean-Luc Hesse, la fréquence à Sablé. Il n'y parviendrait pas, c'est 105.7. Oh oui, magnifique, bravo président. Ça va mal au Secours Populaire de la Sarthe, les stocks de nourriture sont au plus bas. L'Union européenne, son principal fournisseur, a 15 jours de retard pour la livraison des colis. Mauvaise nouvelle pour les 3000 familles que l'association aide dans le département. Les 24 heures du Mans, c'est dans tout pile 11 jours maintenant. 94% des 3400 chambres d'hôtel sartoises sont déjà réservées. Bienvenue, vous découvrez France Bleu Maine, il est 6h03. Monter sa boîte, c'est le rêve de beaucoup de Sartois. Encore faut-il pouvoir convaincre les banques, Julie. Et quand on n'a pas le profil idéal, ça relève bien souvent du parcours du combattant. Alors parmi les coups de pouce possibles pour démarrer son activité, il y a le microcrédit avec l'ADI de la Sarthe, l'association pour le droit à l'initiative économique. 72 Sartois, oui 72, en ont profité l'an dernier, comme Patricia Fontaine. Après 2 ans de chômage, Marion Fersing, vous avez rencontré Patricia chez elle à la Ferté-Bernard. Patricia a tout essayé pour retrouver du travail. Il n'y a rien, quand on arrive à un certain âge, ils ne prennent plus. Elle avait déjà l'habitude des brocantes, alors elle s'est dit pourquoi pas y vendre des saucissons. Pour se lancer, elle avait besoin de 1500 euros. Dans l'immédiat, il fallait quand même avancer la première commande de saucissons, quoi. Les banques, elle n'est même pas allée les voir. Parce que souvent, ils disent la banque à qui parler, mais bon, c'est pas le top, quoi. Heureusement, un ami lui a parlé de l'ADI. En 3 jours, elle a vu une réponse positive. Et c'est vrai qu'ils m'ont super bien aidé, bien conseillé surtout. C'est essentiel, explique Romain Strette. Il est conseiller au Mans. Juste financer, on sait très bien que ça ne suffit pas. Surtout sur le public sur lequel on intervient. Les porteurs de projets ont besoin d'un soutien important, que ce soit dans le domaine administratif, commercial, juridique. On propose un service gratuit à tous nos créateurs d'accompagnement sur la durée. D'autant plus important que ce n'est pas facile tous les jours, confie Patricia. Même si elle a déjà une clientèle fidèle, la crise est là. J'arrive en vivre, mais bon, faut pas faire d'estrin. L'essentiel, c'est déjà qu'on arrive à manger. Et cet hiver, Patricia sait déjà qu'elle devra trouver un petit boulot en attendant le printemps et le retour des brocantes. Et si, comme Patricia Fontaine, vous avez le projet de créer votre activité, eh bien, c'est la semaine du microcrédit avec toute une série de forums organisés au Mans et à La Ferté-Bernard jusqu'à samedi. Et pour obtenir tous les lieux, les horaires, les numéros de téléphone, pour vous renseigner, vous appelez France Bleu Maine. Tiens, c'est pour nous l'occasion de saluer Sylviane Delaunay, qui est au standard de France Bleu Maine ce matin, 02 43 29 10 10. Salut aussi à Nicolas Puisson qui réalise l'émission ce matin. Au moins 10 jours d'arrêt pour Joe Wilfried Tsonga. Le tennisman manso a passé une IRM hier après son abandon dimanche en 8e de finale à Roland-Garros. Il est blessé à la hanche droite. On espère qu'il sera remis pour Wimbledon dans 3 semaines. Joe est d'ores et déjà forfait par contre pour le tournoi du Queens. Et puis le basket ce soir, demi-finale, retour du championnat de Pro A. On va gagner. Le Mans se déplace à Roanne et on va gagner. On va gagner. France Bleu Maine, météo. Alors Fabien, vous êtes un petit peu vexé ce matin? Mais comment ne pas l'être, puisque le soleil ne sera pas là pour accueillir la naissance de France Bleu Maine. Des nuages à partir du lever du jour, la pluie arrivera en fin de matinée, elle va nous accompagner tout l'après-midi. Côté température, actuellement entre 10 et 12 degrés ce matin sur la Sarthe. Ne parle pas trop vite Fabien, je sais qu'il y a du monde, mais détends-toi. 10 degrés actuellement à Mamers, 12 degrés au Mans, 11 degrés à La Flèche, et pour la maximale cet après-midi, 17 degrés. Et qu'en sera-t-il demain Fabien? Eh bien le soleil revient demain après-midi, il sera généreux en fin de semaine puisqu'on attend 28 degrés vendredi. Voilà, c'est l'été qui revient vendredi. 6h06 sur France Bleu Maine. On retrouve Jean-Luc Caisse dans un instant. Dans une petite minute. France Bleu présente les 24 heures du Mans, 12 et 13 juin. Venez supporter, allez-y, physique et la panisse bourdée.